sommeil, un jour, une nuit, court voyage, lenteuses images, jadis un rêve, demain, mirage estompé, entre les deux, 24 heures, je vécu, je meurs, je souris, je pleure. L'éternité pour une femme, une enfant, 24 heures pour les étoiles, un instant. L'éternité pour une femme, une enfant. Un passage, une aube légère, un visage ouvert, un espoir fermé. Entre un nouveau nom gravé sur le caveau cédé. 24 heures pour les étoiles, un instant, l'éternité pour une femme, une enfant, 24 heures pour les étoiles, un instant, l'éternité pour une femme, une enfant.